dis-moi t'allais où. J'ai laissé passer l'orage pour t'avoir, j'avais pas les housses. Ce jour était maudit, tu m'as dit I love you. Ta famille ne veut pas d'un voyou. J'y ai cru, j'étais idiot. J't'ai pas promis la lune, mais j'serais monté aussi haut. Aujourd'hui tu veux m'avoir revenir dans ma vie. Tu m'appelles, tu m'harcèles, mais j'entends plus tes signaux. Parce qu'avant, j'avais pas les là. T'as rien à voir. J'avais pas les là. T'as rien compris. J'avais pas les là. Pas du tout, c'était pas les là. Pas à l'écoute. Que tu sois ingénieur ou médecin, j'aurais pris ta route. J'aurais même pu être femme de voyou. J't'ai pas pris pour un mytho. C'était juste mes parents ne voyaient pas dans leurs idéaux. J'voulais juste prendre des news, je ne suis pas une mytho. Je t'appelle mais tu ne reçois même plus mes signaux. J'avais pas les lots. J'avais pas les lots. T'as rien compris. J'avais pas les lots. Pas du tout, c'était pas les lots. J'avais pas les lots. Rien à voir. J'avais pas les lots. T'as rien compris. J'avais pas les lots. Pas du tout, c'était pas les lots. Je comprends son numéro, eh oh. Mais t'as bloqué mon numéro, eh oh. Arrête-moi ton numéro, eh oh. J'suis pas là pour tes dineros, eh oh. Je comprends son numéro, eh oh. Mais t'as bloqué mon numéro.